Elle eut répondu à Dieu de la vertu de Sara. Indignée de la méchanceté de ses observations, elle haussa les épaules et dit tout haut, du bout du salon où elle se tenait, « Ma chère Sara, écoutez !» Sara se leva. Il lui fallut traverser le cercle pour arriver auprès de la princesse, qui voulait, dans une intention toute bienveillante, et par le seul fait de cette traversée, confondre les calomniateurs et leur prouver victorieusement que la taille de sa protégée n'avait rien perdu de sa finesse et de sa grâce. Hélas, l'ennemi la plus perfide n'eut pas mieux imaginé que n'imagina l'excellente princesse dans son désir de défendre sa protégée. Celle-ci vint à elle. Il fallut le respect qu'on portait à la grande duchesse pour comprimer un murmure de surprise et d'indignation lorsque la jeune fille traversa le cercle. Les gens les moins clairvoyants s'aperçurent de ce que Sara ne voulait pas cacher plus longtemps, car sa grossesse aurait pu se dissimuler encore. Mais l'ambitieuse femme avait ménagé cet éclat afin de forcer Rodolphe à déclarer son mariage. La grande duchesse, ne se rendant pourtant pas encore à l'évidence, dit tout bas à Sara, « Ma chère enfant, vous êtes aujourd'hui affreusement habillée. Vous qui avez une taille à tenir dans les 10 doigts, vous n'êtes plus reconnaissable. » Nous raconterons plus tard les suites de cette découverte qui amena de grands et terribles événements. Mais nous dirons dès à présent ce que le lecteur a sans doute déjà deviné, que la Goualeuse, que Fleur de Marie, était le fruit de ce malheureux mariage, était enfin la fille de Sara et de Rodolphe, et que tous deux la croyaient morte. On n'a pas oublié que Rodolphe, après avoir visité la maison de la rue du Temple, était rentré chez lui, et qu'il devait le soir même se rendre à un bal donné par Madame l'ambassadrice de 3 petits points. C'est à cette fête que nous suivrons Son Altesse, le Grand-Duc, régnant de Gerolstein, Gustave Rodolphe, voyageant en France sous le nom de comte de Duren.